Y'a celui qui me parle dans la tête, qui passe son temps à critiquer. Si j'aime quelque chose, il déteste, jusqu'à ce que plus rien me fasse vibrer. Y'a celui qui veut que l'extase, qui veut que je sois jamais satisfait. Lui, ce qu'il aime pas, c'est quand c'est plat, donc il essaye de me faire vriller. Y'a celui qui dit que tout était mieux, pour qui la terre s'est arrêtée, qui dit qu'il y a rien quand on est vieux, qui veut que je me noie dans le sablier. Y'a celui qui me fait sentir coupable, pour qui tout est toujours ma faute. Celui qui veut que je devienne quelqu'un, quitte à ce que je devienne quelqu'un d'autre. Je passe ma vie à fuir des monstres, donc je panique quand la nuit tombe. Doit bien y avoir une raison, j'ose pas poser la question, j'ai trop peur de la réponse. Quand la nuit tombe, je vois les ombres, je les entends, depuis petit jusqu'à maintenant. Ils me suivent partout, je suis tout le temps dans la fuite en avant. Je vois les ombres, je les entends, depuis petit jusqu'à maintenant. Ils me suivent partout, je suis tout le temps dans la fuite en avant. Y'a celui qui a confiance en personne, qui dit que les humains sont des loups, donc il fait tout pour que je m'isole. Ensuite il m'enveloppe et m'étouffe. Y'a celle qui veut que je regarde plus qu'elle, qui change de visage tous les jours. Elle veut juste rentrer dans ma tête, jusqu'à ce que j'en oublie l'amour. Y'a celui qui me compare à tout le monde, qui veut que je sois toujours au-dessus de tout. Il veut me faire gonfler pour que je monte, quand je suis tout en haut il me pousse. Mais le pire c'est le mauvais qui me ressemble, qui fait tout pour me remplacer, donc faut jamais que je me déconcentre, car il sera toujours là caché. Je passe ma vie à fuir des monstres, donc je panique quand la nuit tombe. Doit bien y avoir une raison, j'ose pas poser la question, j'ai trop peur de la réponse. Quand la nuit tombe, je vois les ombres, je les entends, depuis petit jusqu'à maintenant. Ils me suivent partout, je suis tout le temps dans la fuite en avant. Je vois les ombres, je les entends, depuis petit jusqu'à maintenant. Ils me suivent partout, je suis tout le temps dans la fuite en avant. Je peux m'arrêter de courir car je sais qu'elle sera là pour me sauver, ouais. J'ai moins peur de l'avenir quand l'avenir c'est l'avenir à ses côtés, ouais. Je peux m'arrêter de courir car je sais qu'elle sera là pour me sauver, ouais. J'ai moins peur de l'avenir quand l'avenir c'est l'avenir à ses côtés, ouais.